Bettencourt, Duessin-Port, Lille et Paris. Salut bande de Boufoulkèche, Cocteau, COCTO dans la radio. L'heure du crime est arrivée, oui, le Space Party. Space Party, c'est plus fort que la Porsche à Sacha Distel. Space Party, c'est plus envoûtant que Gérard Majax lorsqu'il fait des tours de magie. Avec dans la première saison du non-stop, Movement, Fiction et une exclue. Barbecue production, vous êtes gendarme.

We'll be right back. started. Techno is not yet dead. Space, dead, space, dead, space party. Énergie, le Space Party en direct de la galaxie. Oui, je suis le commandant Cocteau et je me suis métamorphosé. Je suis tout vert et ma voix a changé. Je ne suis plus un humain, je suis un Space Party. Cela ne fait rire que moi. Qu'importe, avec dans la deuxième session du non-stop, Atrosphere, Toon Request, Psychoride, Transmaster, Seven PDP et puis Shaman en exclusivité, puisque l'album sort le 15 septembre pour le Space Party. Shaman sera là. Et puis encore une exclusivité, Barbecue Production a encore frappé pour le Space Party. Oui, encore une fois, viens faire un Tetris à la maison.

Énergie, il y a un Space Party spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'il y a Chamène. Pourquoi Chamène? Parce que Chamène sort leur album le 15 septembre. Aussi, 15 jours avant tout le monde, Space Party vous fait découvrir deux titres de cet album qui s'appelle Boss Drum ou Boss Drum. On est en France, nom de Dieu. Deux titres à écouter ce soir dans le Space Party. Il s'appelle Librae Solidi Denari pour le premier et le second qui sortira aussi en single. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Ebenezer Good. tipsy-tipsy junior goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Easy is a geezer, he loves to muscle it. That's about the time the crowd has shouted the name of Easy, who's punching in the corner laughing by the bass spin. Le 9ème Space Party s'achève. Il va falloir attendre une semaine avant de faire l'amour avec Bobby Ewing, avant de s'apercevoir qu'on pète vraiment les plombs et que quelque part il nous manque une case pour toute communication avec le Space Party. Energy 39 Avenue d'Iéna, 75 116 Paris, ou par le biais du Mitel 3615, sous boîte aux lettres Cocteau, sous CTO vous embrasse, à très vite. Au revoir amis de l'espace, et maintenant tous à poil, il est 2h du mat'.